La musique FM 98.9 Kinshasa Brazzaville. Ndozani ali sala mina mwana nyaka mazelinge Ndozani gwida no me wano ye yakuza Ndozani bugari usulu unuga na yeke vibre une asoloke amasimba botolo tama pesa kwa kibako de delete kubu pesa mwana motela kataliki tango tote ndende ama na tina ndinde tala mwata tinde nde ama na tina ndinde tala mwana tuju kitoko tala ngoka ngoka te umatene kenge simani PM Jacques de Toté Manchester Ladies and gentlemen, Yes Africa Wanted number 4 performing DJ CC and Richard Sudana. Dédicace spéciale aux hommes forts, très très fort, Richard Sudana. En force et en puissance, yeah, très très fort, Richard Sudana, yeah, très très fort, yeah. Allez, Konami, Konami, Konami, Konami, Konami, Konami, soit gâte, les on, gâte, eh, si le go, si le. Allez, Konami, Konami, Konami, Konami, Konami, Konami, soit gâte, les on, gâte, les eh, gâte, les gâte, gâte, les on, gâte, les eh, gâte, les on, gâte, les gâte, gâte, les eh. Abota masima mapesa eh abota masima mapesa eh atata mona atata mona atata mona atata mona l'héros national c'est fort très très fort tout très Nicolo ah danger danger danger toujours en pointe toi les gars Simoni Simoni toi les gars toi mon frère écoute ce message. Le top des restaurants. Tous les gars, je vous avais dit on va voir de qui est qui. qui est qui? Souma, pas la référence de l'île. Masai Mara, le top des restaurants. Dédicace spéciale aux hommes forts, très très fort, Richard Soudana, en force et en puissance. Tout le monde est position des galopes, ma attention. Allez, krikatazoa, krikatazoa, krikatazoa, krikatazoa, krikata, krikata, krikatazoa, krikatazoa. Chez Lubuka, chez Lubuka, nyata, nyata, chez Lubuka. C'est qui? 6, 1, kinini, ta, ta, punta, punta. Kini, kini, ni, kini, tatu, kini, kini, ni, kini, tatu. Koroko, taka, tiki, tatu. Chez Lubuka, chez Lubuka, chez Lubuka. Chez Lubuka, nyata nyata, chez Lubuka, Shidugai, hey, Shidugai, hey, Drobade, Drobade, il a marqué le pinawe, Drobade, il a marqué le pinawe, tout le monde va, tout le monde va, tout le monde va, hein. Allez, menote, menote, menote, menote, attachez-moi, croisez les mains pas devant, croisez les mains pas derrière. Guantanamo, Guantanamo, Guantanamo, Guantanamo, Guantanamo, Guantanamo. Allez, Konami, position tout le monde là. Konami, Konami, Konami, soit, Konami, hein, Konami, soit, Konami, Gatil est bon, Gatil est, hein, Gatil est, Gatil est, Gatil est, hein, Gatil est bon. Gatile hein, gatile bragada, gatile hein, gatile bon, gatile hein, gatile bragada, gatile hein, gatile bon, gatile hein, gatile bragada, gatile hein. S'il est côté, s'il est côté, s'il est côté, s'il est côté, s'il est côté. C'est bon, c'est bon. Oui monsieur Coco, le top des studios, Studio Kosanko. Décoller, décaler, décoller, décaler, décoller, décaler, décoller, décaler, décoller, décaler, couper, couper. Travailler mal, s'envoler mal, s'envoler. Africa Wanted, Patrick Paconce, le génial Top Congo FM, Brice Walker, Ludovic Kumba, Phil Kilimanjaro, Africa Number One. Modibo Soirée, l'ami personnel des stars à Bamako. La chaîne de Abamako, votre radio. Il y a les hommes forts. Bye, Jean-Jules, Kamer, toute connexion dit Babybel. Ladies and gentlemen, yes, Africa Wanted number 4, performing DJ CC and Richard Sudana.